بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 54 بعد المئة. سنة حديث من هذا الباب كل شابيتر دو صلاة الجنازة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا. نصر ابن عباس que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la salat sur une tombe, sur un mort, après qu'il était enterré. Donc il a fait 4 takbirat sur lui. قال فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى الراوي الرابورتور سي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dont on a déjà parlé auparavant. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. Maintenant c'est quoi le sujet du hadith? C'est pour montrer le jugement de la salat d'une personne qui a déjà été enterrée. يقول في الشرح الإجمالي كان طلحة ابن البراء مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده فمات في الليل فلم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بموته كراهة أن يشقوا عليه في الظلمة فدفنوه فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc طلحة ابن البراء était malade, النبي صلى الله عليه وسلم lui a rendu visite. Ensuite dans la même nuit il en est décédé, c'est-à-dire طلحة. Et les sahaba n'en ont pas informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par peur que cela ne lui soit rendu difficile car ils l'ont enterré dans la nuit, dans l'obscurité. Donc ils l'ont enterré. Et lorsque le matin se leva, là ils en informèrent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فقام عليه وصفوا وراءه. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر عليه أربعة. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم leur a dit qu'est-ce qui vous a empêché de m'en informer? Ils ont dit c'était la nuit et il faisait sombre. Donc nous avons craint de que cela ne soit une chose qui te mette dans la gêne, de te déranger pour cela. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم s'est rendu auprès de la tombe de Talha. Et là, il s'est tenu devant cette tombe-là, et les sahaba sont alignés derrière lui. Et dans ce hadith, Ibn Abbas informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 takbirat sur lui. Avec les choses à dire entre les 4 takbirat, comme cela va venir dans le hadith, qui vont se venir, inshallah ta'ala. Yaqulu min fawaid al-hadith, enseignement-il du hadith, jawaz al-salat al-mayyit ba'd dafni, wa tajibu إن لم يصلي عليه أحد قبل ذلك. Qu'il est permis de faire la salat sur le mort après qu'il était enterré. Et que même cela est obligatoire si personne n'a fait la salat sur lui. Car cette salat, c'est un fard kifai. Salat al-janaza, c'est un fard kifai. C'est-à-dire qu'une obligation commune. Si certains l'ont fait, elle n'est plus obligatoire pour les autres. Si certains l'ont fait de façon suffisante, il n'est pas obligatoire à tout le monde de la faire. Et si personne ne l'a fait, tout le monde endosse le péché. ثانيا أن صفة الصلاة على الميت بعد دفنه كصفتها قبل الدفن في التكبيرات الأربع وغيرها. Et que cette salat sur le mort déjà enterré s'accomplit comme sur celui qui n'a pas encore été enterré en faisant les 4 takbirat. On l'agit de la même façon. Et là le cheikh fait un tambih par rapport à ça, il dit que il n'y a pas de dalil qui indique quelle est la période qui permet justement de pouvoir faire la salat sur quelqu'un qui a déjà été enterré. Est-ce qu'au bout d'un jour on peut encore le faire? Est-ce qu'au bout de deux jours on peut encore le faire? Trois jours, une semaine? Il n'y a rien qui le précise. Donc il y a eu un khilaf entre les ulama par rapport à ça. Et le shir, il dit, lui, que toute personne qui est en mesure de la faire, qui n'a pas assisté, alors lui peut la faire par la suite. D'ailleurs, toute personne qui était présente, c'est-à-dire qui était vivante et en mesure de faire la salat, mais qui n'a pas pu le faire pour une raison quelconque, cette personne-là peut faire la salat sur lui par la suite. Par contre, ceux qui n'étaient pas aptes à faire cette salat-là, comme par exemple ceux qui étaient petits, ou celui qui n'est pas encore né et qui va faire la salat 3 ans après, ou 5 ans après, ou 10 ans après, ou celui qui était majnoun, qui était fou, eux n'ont pas à la faire. Ça, c'est l'avis du shir, Allahu ta'ala alam, par rapport à cela. Falhamdulillah rabbil alamin.